une histoire particulière. Mouvement social. Le dictionnaire Larousse le définit comme un comportement collectif ayant recours à une organisation dont le but est la modification ou la transformation d'un ordre social ou d'institutions existantes. Pour les sociologues, un mouvement social est un ensemble de réseaux informels d'organisations et d'acteurs isolés, construits sur des valeurs partagées et de la solidarité, et qui se mobilisent au sujet d'enjeux conflictuels en ayant recours à différentes formes de protestation. Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est maintenant, avec le documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. C'est un réel coup dur pour tout le département de l'Oise. 11 mars 2009. Continental a annoncé aujourd'hui la fermeture de 2 sites de production de pneus. 1900 postes vont être supprimés, un peu moins de 800 à Hanovre et 1120 à Clairoy dans l'Oise. Moi j'étais de nuit, je me souviens, je dormais puisque j'avais fini mon poste. J'ai un coup de téléphone ici à la maison de la secrétaire de direction, comme quoi qu'il fallait que je me rende le plus vite possible à l'usine. J'arrive là-bas, il y avait des gardes du corps partout. On rentre dans une pièce et là, il y avait une cabine en verre avec des traducteurs. On s'assoit et ils nous annoncent de but en blanc la fermeture de l'usine de Clairoy. J'étais complètement liquéfié, quoi. J'aurais pris un coup de massue sur la tête, ça m'aurait fait le même effet, quoi. L'équipementier allemand explique qu'il n'y a pas d'alternative et que tout cela est dû à la chute brutale de la demande en Europe de pneus, moins 30%, dit-il, sur les 2 premiers mois de l'année. Ils viennent de le faire, ces salauds. Ils ont exploité ce site à fond. Antonio D'Acosta, élu CFTC. Ils ont fait signer les 40 heures parce que c'était ça ou la fermeture, donc on l'a fait. Et aujourd'hui, les gens sont complètement abasourdis. Ils courent après les Allemands. C'est une trahison, mais non seulement envers nous, mais envers le président de la République française aussi. Tout le monde ici a cru à son slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Les salariés avaient auparavant, ces derniers mois, accepté d'importantes concessions pour conserver le site, d'où leur colère aujourd'hui. Écoutez celle de Xavier Mathieu, syndiqué à la CGT. Tout le monde a les boules, quoi. Parce qu'on va se retrouver au chôme du, il n'y a pas de boulot, parce que c'est une usine de 1200 personnes, c'est 3000, 5000 personnes dans le Compiénois qui vivent de cette usine. Vous annoncez la fermeture du site en 2010 et ils vous demandent de continuer à bosser, de comprendre les actionnaires. Il faut qu'on essaye de les comprendre, mais vous vous rendez compte? Ces mecs-là, ils nous respectent pas, quoi. Il y a 27 millions de bénéfices, ça va servir aux actionnaires et au groupe. Franchement, les gens, ils ont la haine. Franchement, ils ont la haine. Continental, Air France, Goodyear. Quand la base se rebelle. Première partie, violence physique et violence sociale. Des œufs qui volent, des pneus qui brûlent. Dans l'usine Continental, la tension est montée d'un cran. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. On est prêt à aller très loin. Si on prend l'exemple d'Hanovre, l'usine a été complètement cassée. Pierre Sommet, je suis rentré en 88, j'étais ouvrier de production. Bon, j'ai eu divers postes en confection, puis après j'étais en préparation. 2 ou 3 ans avant la fermeture de l'usine, je suis rentré dans un syndicat en tant que représentant syndical. Moi, je représentais Syndicat Force Ouvrière. Et puis après, on appelait au secours Roland. Moi qui suis un militant ouvrier, qui ai vu beaucoup de choses, je n'ai jamais vu une radicalisation qui se faisait de minute en minute. À partir du 11 mars, l'après-midi, le seul débat qu'il y a eu pendant des semaines, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à ça et pour aller au bout du bout. Vous, Roland Spirko, vous êtes connu par Xavier Mathieu parce que vous avez été lutte en 95 dans l'entreprise Chausson, qui était une usine de production automobile et qui, au terme de 3 ans de lutte, est parvenue à arracher un plan social exemplaire. Là, vraiment, les ouvriers ont pris le pouvoir et tout était décidé et mis en action par les assemblées. Et ce côté démocratique, c'est ce qui a permis d'ailleurs de tenir jusqu'au bout et d'imposer bien sûr des reculs conséquents aux 2 plus grands trusts, Renault et Peugeot, sans l'aide de la justice, parce que les juges avaient dit « jamais nous ne condamnerons Renault et Peugeot hein, », des bons patrons français, on va pas les condamner quand même, et tout a été arraché à la force du poignet. Mais cette lutte, elle a marqué particulièrement Picardie parce que FR3 Picardie, c'était vraiment le journal de la lutte des travailleurs de Chausson. Et ça a marqué des militants pour des dizaines d'années. Roland, il disait, faut faire ça. J'avais un petit peu doute. Et après, voilà, j'ai suivi les yeux fermés. Vu l'expérience qu'il avait eue avec le conflit Chausson, tout ça, il n'avait aucune preuve à nous donner, quoi. Est-ce que c'est cette méthode et cette organisation dans la lutte que vous avez transmis aux salariés de Continental ? Il n'y a pas de méthode. Il y a des principes qui sont ceux du mouvement ouvrier révolutionnaire depuis toujours. Il y avait des traditions de démocratie, de faire que les travailleurs sont les maîtres de leur destin. Et le but des militants, c'était d'apprendre, comme selon une formule d'un fameux Pelloutier, qui était le théoricien de ce qu'on appelait les syndicalistes révolutionnaires, apprendre aux travailleurs la science de leur malheur et les rendre aptes à pouvoir prendre la direction de la société. À travers les conflits, il faut que les travailleurs soient regonflés, repris confiance en eux. Pourquoi mes camarades de Chausson ou même les camarades de Continental ont été changés ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils comptaient eux-mêmes, représentaient une force et avaient des capacités. Et quand ils mettent ces capacités, ce dévouement, cette fraternité au service d'une cause collective, ils sont capables de faire bouger les montagnes. On va bloquer tout ce qui est à bloquer, voie ferrée, pont, on va foutre la merde. Xavier Mathieu. Il faut que les politiques, je vais vous dire un truc, moi les politiques, là, qui se gargarisent depuis quelques semaines, là, qui viennent nous voir, faut aider les clairvoyants. Vous savez comment ils vont nous aider ? On va foutre tellement le bordel que les politiques, ils vont aller voir les Continentales et puis ils vont leur dire, faut payer parce qu'on en a marre des Continentales. Ils ont fermé l'usine de Continental à Nières, juste en même temps. Ils ont fait 400 licenciements à Rambouillet. Oui, aussi, oui. Pour eux, la fermeture, ça a été démontré, la fermeture de Clairoy, ça s'est joué au bon taux. Il fallait qu'ils ferment des usines. Pourquoi ? Pour faire remonter le cours de l'action. C'est tout ? Basta ! La famille Schaeffler, ils ont racheté cette usine en 2008. Avec une OPA. LBO, hein, c'est-à-dire sans payer un sou, en faisant ensuite financer son achat avec l'appui des banques par les profits même de Continental, l'action qui était à 70 euros était tombée à 8,90. Pour faire remonter le cours de l'action, il faut prouver aux actionnaires qu'on va tout faire pour serrer la vis aux ouvriers ou qu'on va faire cracher les profits. Et l'action, elle a remonté. Vous savez combien elle est aujourd'hui, l'action de Continental ? 250 euros. C'est pas très compliqué à fermer une usine, hein, je vais vous dire. Hein. Dans le pneumatique, il y a des pneus qui font parce qu'ils sont obligés pour les constructeurs, donc la marge est vraiment minime. Par contre, il y a des dimensions à très forte valeur ajoutée. S'ils veulent plomber une usine, les pneus qu'on fabrique à très forte valeur ajoutée, ils les mettent dans une autre usine. Le chiffre d'affaires de l'usine s'écroule obligatoirement, étant donné qu'on fait du pneu, mais sur un 145, 70, 13, vous gagnez rien, vous gagnez quelques euros dessus. Tandis que ben, vous prenez deux fois la matière du pneu, vous faites un 265 en 17 pouces, la valeur ajoutée est exponentielle. Donc, les pneus à forte valeur ajoutée, ils les mettent ailleurs, et puis voilà. Parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui fait les productions de Clairoy ? Bah, c'est Sarreguemines. Ils faisaient des séries de 1000, 2000, 5000 pneus. Aujourd'hui, ils font des séries de 50, 60, 90. Les épiceries font. Si on veut fermer Sarreguemines demain, voilà. Les usines, plus rentables ou pas, c'est le prétexte pour faire accepter aux salariés des sacrifices. Et les syndicats qui marchent dedans, c'est des complices. La seule logique qu'ils ont, eux, c'est de pouvoir, aujourd'hui, gagner plus qu'hier. Et comme ils ne veulent pas investir, aller voir l'usine de Sarreguemines, ça tombe en ruine. Ils ont déménagé les usines de Clairoy pour essayer de les récupérer, pour économiser sur tout. Sur les locaux, surtout, étant donné que tout est centralisé dans un seul endroit, bah, ils n'ont plus d'impôts, plus de... Voilà. Et en plus, quand on est passé aux 40 heures, directeur de l'usine, quand on a signé l'accord, un mois après, il était parti. Propulsé directeur de Timișoara. Et maintenant, il a été remercié en prenant des fonctions plus importantes. Voilà. Le problème, c'est que Continental met en concurrence leur propre usine. L'usine de Clairoy, de Sarreguemines, les usines d'Allemagne, à force de fermer des usines, ça se restreint. Quand vous êtes en troisième position, c'est-à-dire que ben, les autres, ils sont meilleurs que vous. Donc, si vous voulez que l'usine perdure, ben, il faut vous baisser vos salaires. Parce que eux, leur coût de production est moindre que vous. Quand ils ont ouvert une usine en Roumanie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ils sont payés à 200 euros par mois, les mecs. Nous, on les a fait, les efforts. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui traquons. 5 octobre 2015, comité central d'entreprise d'Air France. Prenez-nous de haut, monsieur. Mais lui, il s'en va les couilles, tu ne serais pas mis devant moi. Mais oui, il s'en fout. Moi, je touche 1800 euros. C'est ça qui ruine Air France. Mais lui, il s'en tape de toi, lui. C'est ça qui ruine Air France. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. Je suis Karine Monségu, co-secrétaire générale de la CGT Air France et j'ai été embauchée en 1996 comme agent des services commerciaux, c'est-à-dire agent au passage au terminal 2D de l'aéroport Charles de Gaulle. On a été dans un contexte de tension depuis 2008 où il y a eu la crise financière. À partir de là, Air France s'est inscrite dans une stratégie de réduction des coûts, mais surtout des coûts liés à la masse salariale. Nous avons subi plusieurs plans de départ volontaires qui, au moment du 5 octobre 2015, nous avaient déjà fait perdre 9000 emplois. Tout ça avec des blocages de salaires. On en demandait toujours plus aux salariés et ça n'était jamais assez. Et quand nous avons organisé cette grève le 5 octobre, nous nous sommes réunis en intersyndicale. Nous avons eu des réunions avec la police, avec les renseignements généraux, de sorte que l'on puisse organiser les choses du mieux possible. Il avait été convenu que le rassemblement se tienne sur le parvis d'Air France. Nous avions prévenu la police que les salariés étaient très mécontents d'une nouvelle annonce de plan de suppression de postes dont nous ne savions pas le chiffre. On a préparé le camion CGT, la sono et tout ça à 6h30 du matin. Nous sommes arrivés devant la grille d'Air France et là on a été arrêtés par les agents de sécurité qui ont coupé le moteur, qui ont desserré le frein à main et qui ont poussé le camion en bas de la côte et qui ont fermé la grille. Moi, je suis André Villanueva, j'ai été embauché en tant que magasinier en 2004. Nous, on avait le cortège du fret qui arrivait, la DGI, la maintenance, tout le monde s'est retrouvé au même endroit, devant le parvis, qui devait être ouvert au niveau de la grille pour pouvoir se positionner face à Air France, sachant que le CCE se tenait dans les locaux juste derrière. Nous avons eu un contact avec les renseignements généraux, nous avons demandé que la grille soit ouverte, et on savait très bien que les gens n'accepteraient pas, que la grille soit fermée et qu'ils ne puissent pas se rassembler tous ensemble, d'autant que ce rassemblement avait été annoncé par voie de tract. On veut demander des comptes, on est les productifs, c'est nous qui créons la richesse dans cette entreprise. Et ce jour-là, on n'a eu que mépris et forcément, il n'y avait aucune réponse, à part qu'on était trop cher par rapport à la concurrence, donc il fallait lâcher du lest. C'est normal qu'on apprenne par voie de presse combien est-ce que d'entre nous vont sauter ? On n'est pas venu pour être violent, on n'est pas venu pour vous manquer de respect. On est venu pour avoir des gens qui puissent vous apporter des réponses. Et avoir le sentiment, l'impression d'être pris en considération. Mais même ça, vous ne pouvez pas nous le donner. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté. Vous voyez votre gestion calamiteuse, là, monsieur. Voilà, elle est dehors. Vous voyez tous les salariés, là, votre stratégie qui nous a mis dans le mur. Le secrétaire général est sorti de la réunion pour donner les informations de ce qui se passait à l'intérieur. Et là, quand les gens ont entendu, il faut mesurer qu'après 9000 suppressions de postes et tous les efforts qui doivent être faits pour faire passer la charge de travail, parce que le travail demeure, les passagers sont toujours là, nos vols sont remplis, donc il faut bien faire le travail. Alors d'annoncer comme ça, après avoir bloqué l'entrée de l'entreprise, ils allaient potentiellement pouvoir être licenciés. Ça a vraiment explosé. Et c'est à partir de ce moment-là que les salariés ont souhaité s'introduire dans le bâtiment du siège où se tenait la réunion du comité central d'entreprise. Le président Gaget s'est exfiltré avec un motard. Les autres n'ont pas pu s'exfiltrer parce qu'il a fermé la clé derrière lui. Bonjour la solidarité. Enfin bon, ça c'est la vie des patrons. Hein. Et puis après, les autres n'ont pas voulu. Alors, c'est vrai qu'il y avait une tension, mais il y avait quand même les délégués syndicaux qui appelaient au calme. Mais si vous voulez, au lieu de prendre le micro, de donner des réponses, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Et oui, ils sont là, ces salariés très remontés et solidaires. Il n'y a qu'une seule cible ce matin, et c'est la direction d'Air France. Au point qu'effectivement, ce matin, un membre de la direction des ressources humaines s'est fait très sérieusement secouer. mais pas d'état d'âme pour ce salarié qui travaille au sol à Roissy. Il y a eu un peu de tension, ils lui ont pris son badge pour dire qu'il n'était pas de la compagnie. Il déméritait, lui, par contre, sans projet. Le projet s'est licencié, bravo, on n'a pas besoin d'eux pour dire ça. Ils lui ont enlevé sa chemise, il était torse nu, apparemment. Comme ça, il va savoir ce que c'est de travailler dans le froid et se retrouver à poil après 9 ans de sacrifice, ou 10 ou 15 ou 20 ans. En France, ça ne veut plus rien dire. Apparemment, le sacrifice, c'est la mort, c'est Pôle emploi. Pas sûr donc que le CCE reconnaisse normalement cet après-midi, mais les informations principales ont d'ores et déjà été confirmées, en particulier les 2900 suppressions de postes, dont des licenciements secs. Miguel Fortea de la CGT. Quand il y a un effet de masse, c'est difficilement contrôlable les gens, surtout lorsque leur licenciement est acté. On a essayé de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. La direction ne nous a pas écoutés. On avait devant le parvis la possibilité de s'exprimer paisiblement. Ça n'a pas été le cas. Les gens ont poussé et on a été jusque-là. On sait déjà qu'Air France va déposer une plainte pour violence aggravée. À Roissy, Jean-Pierre Pernel, Manuel Ruffès, France Inter. L'entreprise a été en difficulté financière. Enfin, ce sont les chiffres qu'on nous communique. Karine Monségu. Parce qu'ils ont des moyens aussi de ne pas communiquer les vrais chiffres. On l'a vu chez les camarades de Goodyear, on l'a vu dans d'autres entreprises. Vous savez, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ceci étant, dans ce qui nous a été présenté à nous, nous avons été en déficit jusqu'en 2014. On a repris un peu et l'exercice de 2017 a été le meilleur puisqu'on a enregistré 1,5 milliard d'euros de résultats. Et c'est pour ça qu'il y a eu le conflit après sur le rattrapage des salaires, parce que c'est bien gentil de dire aux salariés « il faut vous serrer la ceinture parce que c'est la crise » et puis quand ça va bien, il faut vous serrer la ceinture parce que la crise peut revenir. 21 avril 2009. Continental, Caterpillar, Molex, commençons la longue liste des entreprises qui licencient et où les salariés se révoltent. Le tribunal de Sarreguemines a débouté tout à l'heure les salariés de Continental qui demandaient la suspension, l'annulation de la procédure de fermeture de l'usine de Clairoy dans l'Oise, et ce, sur tous les points. Les magistrats ont reconnu que l'entreprise avait bien rempli ses obligations légales. Du côté des syndicats, on se dit catastrophé avec ce scénario qui semble le pire pour eux, à savoir la fermeture du site où sont employées 1120 personnes. D'où la colère qui s'est emparé des salariés qui attendaient le jugement devant la sous-préfecture de Compiègne, Bruce de Galzin. C'est par un coup de fil que les salariés de Clairoy apprennent la nouvelle. Ils sont plusieurs centaines à la sous-préfecture de Compiègne, à 5 km de leur usine. Conatry, à Continental, depuis 6 ans, était sur place. On s'est défoulé un peu, ça nous fait du bien. Les dossiers volent, les chaises, les ordinateurs sont jetés par la fenêtre. Les syndicalistes présents ne souhaitaient pas retenir des troupes. Jérôme Véron, de Force Ouvrière. Ils ont monté d'un cran eux-mêmes, quoi. Nous, on n'a même pas donné un ordre ou quoi que ce soit. C'est eux qui ont pris les initiatives et puis là, la sous-préfecture est une ruine maintenant, donc voilà. De retour à l'usine, les salariés ont saccagé l'entrée du bâtiment. Xavier Mathieu, leur porte-parole, s'adresse alors à eux. On leur a montré qu'on n'est pas prêt à crever. Ça fait 5 semaines qu'on boue, que les gens attendent. Le gouvernement s'est foutu de notre gueule. Et qui continue? Et nous, on est prêts à aller à la bagarre. Pierre Sommet, quel est le but au départ de votre comité de lutte et qu'est-ce que vous planifiez en fait d'obtenir? Est-ce que c'est essayer de maintenir l'emploi? Est-ce que c'est obtenir une tripartite pour négocier le plan social? Comment nous, au début, on recherchait la pérennité de l'emploi, hein. Sauf qu'on n'a pas eu trop le choix étant donné qu'on a eu un déboire au tribunal de Sarreguemines. Jamais un tribunal, ils n'ont pas ce pouvoir de déclarer au patron, vous n'avez pas le droit de faire un plan de licenciement. Ça n'existe pas. Roland Spirco. Le vrai débat, parce que je me permets de le dire, parce qu'on l'a posé tout de suite, on n'a pas dit qu'est-ce qu'on peut avoir. On a dit on va essayer d'obtenir le maximum. Nous, on en a marre des promesses, de la compassion, de la pitié. Ça, c'est pas ça qui va nous nourrir, c'est pas ça qui va payer nos maisons dans 23 mois. Donc, on veut des actes. Quand les travailleurs de Continental étaient à la sous-préfecture, c'était pour demander à l'État de respecter ses engagements. Ça faisait 3 semaines qu'ils se taisaient, 3 semaines qu'ils ne répondaient pas. Alors Fillon, s'il peut faire quelque chose pour nous, qu'il se bouge un peu et qu'il ouvre les négociations qu'on demande. On veut une tripartie entre l'État, Continental et les syndicats. C'est ça qui effraie et le patronat et l'État. C'est qu'ils veulent bien des ouvriers comme des moutons qui se laissent conduire à l'abattoir, mais quand les ouvriers, tout d'un coup, prennent conscience de ce qui leur arrive et se groupent ensemble et discutent ensemble de ce qu'il faut faire, alors ça les effraie. Demain, les Conti se rendront à Hanovre, en Allemagne, pour manifester leur colère à l'Assemblée Générale des Actionnaires de Continental. Ils seront rejoints par leurs collègues allemands qui subissent le même sort. C'est quelqu'un, pour vous dire, là, quelqu'un de la CFTC qui est venu me voir. Oui. Très modéré. En me disant, mais tu sais, il y a l'Assemblée Générale des Actionnaires qui a lieu à Hanovre le 23 avril, et ça serait bien s'il y avait quelque chose qui était organisé. Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est que les syndicats allemands, et surtout avec un personnage qui était un peu hors norme, qui s'appelait Jörg Schusterheit, qui était le, disons, le coordinateur des syndicats européens et même un peu mondial, a dit « Banco, on va faire cette manifestation ». Parce qu'en même temps, les syndicats allemands, qui sont pas spécialement révolutionnaires, étaient maltraités par la direction de Continental. Et cette idée-là leur a plu. Et la logistique pour affréter un train, ça se fait pas du jour au lendemain. Déjà pour payer le train, négocier avec la SNCF, le parcours, tout était fait avant, quoi. Dans le train, il y avait quasiment toute l'usine. Sur 113 personnes, il y avait 1000 travailleurs de Continental qui ont été en Allemagne. C'est quand même suite à ce 21 avril et le saccage de la sous-préfecture que vous obtenez la promesse d'une réunion tripartite. La promesse. Qui n'a pas été respectée. Hanovre a marqué la direction allemande. La seule chose qui pouvait faire reculer la direction allemande, c'est cet esprit de contagion qui garde les usines et qui la met en difficulté, et d'abord dans son fief en Allemagne. Nous sommes descendus du train et qu'on était reçus par tous les Allemands qui nous attendaient avec les drapeaux. Ça prenait aux tripes, quoi. Il y en avait qui pleuraient. Non, c'était un moment... En plus, ce qui était bien, c'était une fusion totale entre les camarades ouvriers allemands. Nous, on faisait plus qu'un, quoi. Et c'est ce qui a fait peur à Continental aussi, hein. Parce que... Et puis, on a été reçus... on a été super bien reçus, hein. Tout était organisé. On a fait des prises de parole. Il y avait même des Mexicains de Continental qui étaient présents. Les travailleurs ont découvert, des deux côtés, les travailleurs allemands aussi, ils redécouvraient des choses que, comment dire, c'est pour ça qu'on peut en vouloir à tous ces partis, soi-disant, de gauche ou des syndicats qui essaient de cultiver le nationalisme, le repli sur soi. Quand les travailleurs ont redécouvert physiquement ça, ils se sont jetés dans les bras les uns des autres. Bon, il y avait eu quelque chose qui avait été préparé à l'avance, c'était d'apprendre en allemand ce que ça veut dire tous ensemble, alle zusammen. Voilà ce qui était un peu impressionnant, c'est que les ouvriers allemands et les ouvriers français criaient la même chose. Oui, c'était fusionnel. Ils faisaient qu'un. C'est un grand moment, quoi. Que dire Ça leur reste dans la tête et dans le cœur. Suite à Hanovre, vous n'avez toujours pas obtenu cette réunion tripartite que vous demandez depuis le début. Vous êtes allé à Sarreguemines et donc plus de 500 de Clairois, donc vous vous rendrez à... 120 voitures. D'accord. Voitures, on sait. Quand nous sommes arrivés à l'usine de Sarreguemines, étant donné qu'il n'y avait pas de service d'ordre, bon, on a passé le pavillon, on est rentré dans la cour de l'usine, on a rencontré les camarades de Sarreguemines. Je précise que la direction avait tenu... à les enfermer dans les ateliers. Oui, ils étaient tous enfermés dans les ateliers, mais bon, après, ça s'est déverrouillé, on est rentré dans les ateliers, tout ça. Ça a permis aux gens de Clairaut de parler avec les camarades de Sarreguemines. Et après, on a donné un ultimatum à Continental. Si on n'a pas de tripartie, on reste là. Quand les ouvriers ont voté de rester dans l'usine et qu'ils ont dit « on est prêt à affronter », c'est avec des mots un peu plus crus, les flics... On est prêt moralement, on sait qu'il y aura peut-être de la bagarre, mais on l'affrontera, on reculera pas. Une demi-heure après, la sous-préfète venait dire « On a non seulement le principe de la réunion, mais le jour est fixé à Hanovre. Il y a une rencontre qui est fixée. » Ça pouvait être un piège, parce que, excusez-moi, j'ai vécu Chausson. 36 fois, on nous a promis, 36 fois, il revenait en cours. Mais là, disons, la direction... allemande, internationale, avait dit « il faut que ça s'arrête ». La continuité du conflit est dangereuse pour nous, à cause de ce qui s'était passé à Neuve, à cause de cette contagion, à cause de dire « mais où on va comme ça? Qu'est-ce qui va se passer chez nous ?» Parce qu'en même temps qu'ils attaquaient Clairois, des milliers d'ouvriers en Allemagne, ils les mettaient au chômage partiel, qui était payé par l'État. Il y avait des combines, ils étaient en pleine offensive contre l'ensemble de leurs travailleurs. Alors, ils ont dit « il est temps d'arrêter les frais ». C'est ce qui a enclenché le début des véritables négociations. Oui, parce qu'à Hanovre, il y avait tout l'état-major de Continental International. Et un des éléments décisifs, c'est que le fameux Jörg Schusterheit, qui est mort depuis, emporté par un cancer, c'était un militant ouvrier allemand, mais un peu hors norme par rapport à la passivité habituelle des syndicats allemands. Il a pris la parole au cours de cette réunion, il a dit « Nous, au nom de tous les syndicats allemands, IG Metall, IG BCE, parce qu'il y a la partie chimie, la partie métallurgie, nous vous mettons en demeure d'entamer les discussions sur la base des revendications, ceux du comité de lutte, mis au point par les travailleurs de Continental. Ouais. » Dans le contexte, ils ont dit « Ok, on arrête, on banco, on va mener ces négociations. » Enfin. C'est un conflit qui a été, je vais y faire une confidence, à ma surprise, relativement court. Ils ont cédé assez vite. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez obtenu au terme de cette lutte ? Déjà, un truc exceptionnel, c'est 50 000 euros pour tout le monde. Ils ont lâché l'engagement qu'ils avaient pris de maintenir les contrats de travail jusqu'en 2012. Ah oui, la pérennité du La victoire morale, c'est que la direction allemande a lâché ça. Donc les gens étaient payés à 80% de leur salaire pendant 2 ans. Donc ils avaient quand même le temps de se retourner et tout. Ils restaient avec un contrat de travail qui les liait Continental. À Continental. C'était des fiches de paie. Pour ça, je vous dis que le côté symbolique, Continental mangeait son chapeau et donnait ce qu'ils n'avaient pas voulu donner, la garantie de l'emploi qu'ils avaient soi-disant garantie en 2007. Ce que j'allais dire, c'est que au-delà des garanties matérielles aussi, il y avait d'une certaine manière, j'imagine, l'idée de faire payer aussi ce mépris de Continental envers les salariés. On pensait même pas à se venger, on pensait à faire respecter nos droits, essayer de partir la tête haute et que nos camarades ainsi que nous puissent vivre, avoir un répit, qu'ils aient le temps de se retourner pour rechercher de l'emploi sans avoir une épée de Damoclès. Il y avait de l'argent qui tombait tous les mois, quoi, c'est ça. En gros, on avait calculé, ça donnait à peu près presque 7 ans de garantie de salaire. Bon, c'est une garantie qui est quand même pas négligeable. Mais c'est comme ça. Et vraiment, je voudrais répondre, il ne faut pas confondre la vengeance, tout ça. C'est la fierté d'avoir fait reculer ceux qui étaient en face. Il y a eu des grands débats. Est-ce que ça, c'est suffisant ou pas? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Le vrai débat, on a posé, enfin, le comité de lutte l'a posé, c'est de dire jusqu'où on peut encore continuer à lutter pour les faire reculer. Il n'y avait pas de limite. Continuer la lutte, ça voulait dire quasiment aller s'installer en Allemagne pour les faire reculer. C'est ça qu'ils craignaient. Si jamais on pouvait entraîner une seule usine, pour eux, c'était mortel. Le sentiment, c'est que les travailleurs ont eu le sentiment d'avoir été au bout de ce qu'il était sans doute possible d'obtenir dans le cadre de cette lutte. Ce qui a été obtenu chez Continental, ben, c'est quand même exceptionnel. Personne, après la lutte, on a dit, on a été vendu, on a été trahi, on n'a pas eu ce qu'on aurait pu avoir. On a mené une bagarre, on l'a mené jusqu'au bout du bout, et ben on peut en être fier. Merci à Pierre Sommet, Roland Spirko, Karine Monségu et André Villanueva. La purge industrielle continue donc en France après les constructeurs automobiles. C'est l'un des grands fabricants de pneus qui a confirmé tout à l'heure la fermeture d'une usine. Et quelle usine ? Près de 1200 personnes sont concernées à Amiens-Nord. 31 janvier 2013. Ça fait des années qu'ils essaient de la fermer, notre usine. Pourquoi ils y arriveraient maintenant ? Disent-ils. On est des Goodyear et on restera des Goodyear encore longtemps, affirme même Franck Jurek, le représentant CGT. On a un combat à mener et on va le mener jusqu'au bout. On va continuer à faire ce qu'on a fait depuis 6 ans. On va se battre. C'est pas fini. Un documentaire de Julie Navarre. Mixage Alain Joubert. Réalisation Jean-Philippe Navarre. La suite du documentaire Continental Air France Goodyear quand la base se rebelle, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.